La délégation coréenne conduite par Park Myung-gu, vice-ministre des Affaires étrangères, a quitté le 17 Pyongyang par avion pour participer au dialogue de haut rang sur la coopération et l'intégration économique pour la promotion du développement durable de l'Asie-Pacifique prévu en Thaïlande.